Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Jean-Marie Poupart disait « Si tu veux connaître l'essence d'une civilisation ou d'une époque, vois comment on y assassine son prochain. » Charbon est enragé et il n'est plus évitable à présent qu'il ne vous touche. Vous êtes dans son domaine. Charbon est maître, c'est son monde. Et vous n'avez eu jusqu'à présent que de la chance. La chance de ne l'avoir croisé qu'à une seule occasion. Et cette seconde fois sera sûrement la dernière. Mais revenons-en à vous. Il y a encore peu, vous aviez découvert que votre pourtant si appréciable direction militaire avait créé de toutes pièces un appel radio dans le but de vous garder sur place, au pas. Pourquoi ? Difficile à dire. Et les explications n'ont été que contradictoires, étouffées par la masse de discussions, d'accusations et même de cris enragés de toute l'assemblée une fois la nouvelle répandue comme une traînée de poudre. Votre position sur la question qui a suivi, ce qu'il a fallu faire d'eux, vous appartient intégralement. Mais le résultat fut bien le suivant. À la majorité, il fut bel et bien décidé de les destituer. Comment leur faire confiance à présent ? Mais pas seulement. Les frères Fleiss, mais pas seulement eux, ont finalement réussi à faire passer leur avis dans la majorité. Il fallait les expulser, totalement, de votre communauté de survivants. Il était impossible même de les avoir à vos côtés sans s'inquiéter de leur prochain tour de passe-passe. Vous vous trouvez donc, encore une fois, à bord du pick-up de Dwayne, accompagné des trois militaires et avec Cinda en moins. Il est question de les déposer ailleurs en ville, plus loin, là où ils ne pourront pas vous retrouver. Et cette dernière a décidé, ou quelque peu forcée par les jeux de groupe, de rester avec le reste de la communauté au Cadio Market. Je vais donc vous demander, premièrement, quelle était votre position lorsqu'il a été décidé de les expulser ? Et comment vous sentez à présent que vous êtes dans ce véhicule ? On a décidé que c'est vous qui devez les jeter dehors. Pour. Dwayne, il a voté pour. Alors, j'étais pour, sauf pour une personne. Pour Francis Birkin, je pensais qu'il aurait été bien de le garder avec nous. Moi, j'étais d'accord avec Ed. Est-ce que tu te rappelles sinon... pourquoi Sint a été ? Eh bien, non, je ne m'en rappelle pas. Moi non plus, j'avais jamais prévu ce cas de figure. Dans ce cas-là, je dirais quand même que je suis pour. Ok. Donc, a priori, vous avez en effet rejoint la majorité qui était pour l'expulsion, avec certains qui avaient quelques petits désaccords sur certaines personnes. Quoi qu'il en soit, quasiment tout le monde dans votre communauté avait de toute manière voté pour les mettre dehors, à l'exception tout simplement de Bob Patrick Hack, l'aîné de votre groupe, le plus vieux, et son fidèle compagnon Cillian, le pizzaiolo, qui l'a suivi dans sa décision, mais ils n'ont pas pu faire valoir les positions de l'humanisme sans limite. Et ça a raté. Qui conduit le pick-up? Dwayne? Personne d'autre que moi conduit mon pick-up. Dwayne, oui. Ok. Tu avais quelque chose à dire, Ed? Non, bah, du coup, je... juste de souvenir, est-ce que la prise de connaissance de cette décision, est-ce qu'elle s'est bien passée avec les trois militaires ou... Est-ce qu'ils ont accepté leur sort sans broncher ou il y a eu un petit peu de... Eh bien, de toute évidence, ils ont quand même essayé de résister à l'idée de se faire expulser. C'est assez compréhensible, je dirais. Mm-hmm. Certains mieux que d'autres. Hein. Jared, par exemple, c'est assez bien défendu devant toute l'assemblée, en essayant de faire valoir quand même leur droit à rester. S'ils voulaient, ils participeraient plus à aucune décision. Ils donneraient même pas leur avis dans les débats ou quoi que ce soit. Ils laisseraient les gens faire. Ça n'a cependant pas été suffisant. Par contre, du côté de Langstrom, par exemple, que vous commencez à connaître un peu, il s'est assez emporté dès le moment où son autorité a été encore une fois remise en question. Donc assez mitigé. D'accord. En tout cas, pour ce qui est de tout de suite, là, dans le pick-up, pour ceux qui sont à l'arrière et qui accompagnent donc ces trois militaires, vous pouvez les voir tout simplement, qui sont assis, qu'ils ont... La plupart d'entre eux ont le regard baissé, les autres regardent un peu à l'extérieur, ils échangent un peu quelques regards, mais ils vous évitent à vous du regard pour l'instant. Ok. Une question, avant tout, et ça je vais vous laisser le choix à vous, disons cependant que ça a tout de même été un choix majoritaire de la communauté, mais est-ce que, d'après vous, il était juste de mettre ces militaires dehors en leur laissant, par exemple, leurs armes de service, pour ainsi dire, et peut-être un peu de nourriture? Je pense, oui, quand même. On n'est pas là pour les condamner à mort non plus. Hein. Ouais. Ils ont tué personne, ouais. Ils ont juste voulu faire valoir leur statut au sein du groupe, et voilà. C'est leur droit. Okay. Moi, je suis pour ceux qui gardent leurs fusils et tout ça. Mmh. Oui, là, mais je me doute que le groupe, dans le groupe, qui avait du coup des vues un peu à la base, même avant nous, contre eux, on sans doute voté pour qu'il soit lâché sans rien, mais moi, personnellement, enfin, Dwayne, personnellement, il était contre, en tout cas. En soi, on est 18 dans la colonie, on en largue 3, si j'ai bien compris, hein, si on est d'accord, on fait 3. Je propose qu'on leur laisse 3 pour 18 des ressources qu'on possède, et en termes de nourriture, même de médicaments, des trucs comme ça, et d'armes, vraiment une répartition équitable, en tout cas. Dans mon cas, c'est ce qui me paraît logique. Et voilà, comme on dit, ils ont tué personne, ni rien, c'est juste un soin indifférent. D'accord, très bien. Et moi, je profite de, en plus d'avoir filé ça, je profitais à filer à Francis, hein, vers qui... C'est une des cartes que j'avais de Miami, enfin, là où on est, des quartiers ou des endroits où c'est un peu safe pour qu'ils puissent être tranquilles. L'objectif, c'était pas qu'ils puissent pas nous retrouver. Mais de toute manière, ils nous retrouveront pas. Hein. Parce que si on se casse et ils ne nous retrouveront pas, il y a juste les endroits où ils peuvent être tranquilles. C'est vrai. De toute façon, je pense que c'est pas dans leur intérêt de revenir. On reste leurs armes. Est-ce qu'ils sont surarmés par rapport à nous? On a quand même des armes, nous. On est aux États-Unis, quand même. Oui, vous aviez des armes. De toute manière, vous avez déjà les armes personnelles pour ceux d'entre vous qui avaient déjà des armes à feu. Et voilà, mais eux, ils avaient juste vraiment des armes de base, hein. Ils n'avaient pas non plus la grosse mitrailleuse lourde. Ouais. Ils avaient leurs armes de service, quoi. Ouais, voilà, leurs armes de militaires. Voilà, ok. Oui, c'est sûr. Ok. Très bien. Donc, tu confirmes donc que tu leur donnes une carte, Alexios? Ok. Oui, je confirme, mais comme je te précise, je leur ai juste dit les différents endroits où c'est safe, où il n'y a pas de miliciens ou de marcheurs qui rôdent dans le coin. Mmh. Et qu'il faut qu'ils le fassent assez rapidement avant la tombée de la nuit, quoi. Ok. Très bien. Bah, Francis, tout simplement, va prendre la carte dans ses mains une fois que tu lui donnes, une fois que tu lui as montré les points. Et il va simplement te... presque juste te regarder, mais une microseconde avec les dans les yeux avant de t'écarter de nouveau le regard de manière un peu honteuse de ce qui s'est passé et dire tout simplement merci. Du coup, vous roulez à travers les rues avec toujours, quand vous vous regardez dans la fameuse direction, les grandes fumées qui viennent du fameux quartier auquel vous avez échappé. Voilà, les fumées continuent, a priori il y a toujours des feux, ou en tout cas les ruines sont encore fumantes. Et vous consumez de rouler. Mmh. Qui est à l'arrière avec les militaires? Moi. Ed. Mmh. Ouais, Alexios. Moi je serais bien à l'avant, mon nom c'est quand même Driver. C'est Copilot là, pas quoi. Dwayne me laissera jamais conduire, mais au moins en tant que copilote. Ouais, c'est co-driver aujourd'hui. Voilà. Exact. Très bien, d'accord, donc tu es à l'avant. Je vais demander à ceux qui sont à l'arrière de me faire un petit jet d'attention. Ceux qui sont à l'arrière, sinon pour l'instant. J'ai... 16 moyens. J'ai 50 moyens. Ok. Très bien. Alors, ceux qui sont à l'arrière, vous pouvez remarquer que si Francis Birkin et Jared Ross gardent quand même une attitude très, très, très honteuse par rapport à la situation, ils évitent vraiment vos regards, ils regardent à l'extérieur quand ils doivent se concentrer sur quelque chose. Du côté de Langstrom, si en effet, à votre départ, il était lui aussi dans une position assez honteuse, a l'air de laisser sa rancœur par rapport à la situation être plus visible. Et dans une position, tout en restant assis, et toujours un peu, je dirais pas provocante, mais il fait valoir sa présence physique à l'arrière avec vous. Et il ne cherche pas du tout à éviter vos regards. Il vous fixe pas du tout dans les yeux, mais quand vos regards se croisent, il ne regarde pas ailleurs. Et vous pouvez voir que il y a quand même de l'émotion derrière les regards qu'il vous lance. Ouais, c'est pas neutre, quoi. Ouais. Ouais. Bah du coup, moi, j'y vais cash avec lui. Mmh. Et je lui dis, Richard, pourquoi avoir voulu mentir à tout le monde et essayer de garder le contrôle sur le groupe? Bien entendu, au moment où tu adresses la parole, ses yeux se fixent sur toi. Mmh. Et il t'écoute lentement. C'est sûrement une des rares fois où tu n'entends pas Richard, du coup, couper la parole à la première personne qui le confronte ou s'énerver très ouvertement. Tu vois presque qu'il a l'air de chercher ses mots. Et après une petite expiration, il te dit simplement « C'est la meilleure chose à faire. » On avait des ordres et vous avez peut-être l'impression de savoir à quoi vous avez affaire, mais c'est pas le cas. Et avec vos conneries là, de pseudo-démocratie, ça vaut rien, vous allez droit dans le mur avec tout ça. C'est peut-être ce que tu penses, mais je crois que les gens... C'est pas ce que je pense, c'est ce dont je suis sûr. Bah, donc c'est ce dont tu es sûr, certes, mais les gens ont encore le droit de choisir leur vie et de savoir de choisir leur mort. Donc, s'ils n'ont pas envie de vous suivre et de tenter leur chance autrement, je pense que tu n'avais pas le droit de leur imposer ta vision des choses. Après, que toi, tu décides de suivre les ordres de tes supérieurs, c'est bien. Mais tu ne peux pas imposer ça aux autres. Vous comprendrez de toute manière, vous comprendrez rapidement. Peut-être, oui. Et vous deux, Jared, Francis, vous êtes d'accord avec Richard ? Tu vois que Jared, de son côté, il se donne pas vraiment la peine de répondre. Il écarte le regard directement, il suivait un peu la discussion, mais là, il écarte le regard. De son côté, Francis Birkin, lui, il te répond simplement, sans trop te regarder directement dans les yeux, que il te répond si c'est ce que Richard pense que qui est le mieux, alors oui. Et c'est la raison pour laquelle je suis. Et est-ce que tu penses que Richard sera prêt à donner sa vie pour te sauver? C'est plus une question qui vous concerne maintenant. Ouais, mais je sais pas, moi. Je me dis que si je dois vivre avec des gens, j'ai envie de me dire que je peux compter sur eux et que s'il m'arrive quelque chose, ils seront peut-être là pour m'aider et pas me laisser à mon triste sort et mourir comme une merde. Et j'ai cru comprendre que Richard n'était pas de ce genre-là. C'est triste pour un militaire, quand même. Ah ça, tu vois quand même que Richard, du coup, qui est juste à côté, intervient et il fait « À quoi tu joues, là ? À quoi tu joues ? Vous nous foutez dehors, ça vous suffit pas ? Vous voulez qu'une fois qu'on est jeté hors de votre pick-up, on se sépare chacun de notre côté, c'est ça ?» Non. La seule chose que je te dis, c'est que les militaires, du moins ceux qu'on devait avoir avant, s'est passé toute cette merde, étaient là pour protéger la population et pas pour... de les obliger à faire ci ou ça et suivre aveuglément. Et là, tout ce que je vois, c'est juste des dictateurs qui veulent instiguer une pseudo, je sais pas quoi, pour suivre des ordres que ça se trouve plus personne n'est là-haut pour dire quoi que ce soit. Comme Saddam Hussein. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu disais, Ed ? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Richard ? Après, ce qu'on peut faire, c'est le laisser jeter juste Richard et dire à Francis et à Jared de revenir avec. On peut laisser Richard se démerder tout seul. En soi, je et c'était un peu dans ce sens-là que j'avais voté. Maintenant, je joue carte sur table avec vous, mais personnellement, j'ai rien contre toi, Jared. J'ai rien contre toi, Francis. Moi, j'aurais été heureux de vous garder avec vous. Vous avez l'air d'être deux bons gars qui sont prêts à aider et à donner de même pour la communauté. Par contre, Richard, je suis désolé, mais si quelqu'un devait partir, et c'est le cas, malheureusement, c'est toi. Après, c'est des conneries. Tu vois que Richard laisse même pas le temps aux deux autres de répondre que ce soit. Il prend toujours la direction et il dit « c'est des conneries, tout ça ». Tu me dis de pas essayer de diriger les gens et qu'il faut les protéger. L'un exclut pas l'autre et même l'un nécessite l'autre. Et ça, tu vous en rendrez compte parce que vous avez peut-être l'impression là d'être les grands patrons, de diriger un peu comment ça se passe. Vous allez voir, il va y avoir un type parmi vous ou parmi les places ou qui que ce soit qui va faire la même chose. À votre retour, vous pourrez déjà être sûr que quelqu'un aura placé ses pions. Quelque chose qui ne serait pas arrivé si on était encore là pour vous protéger. Écoute, c'est un risque à prendre. Et probablement que tu as raison. Certains vont peut-être essayer de prendre position. Mais le groupe reste le groupe. Et même si tu penses que c'est un mauvais choix, je pense qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la majorité. Parce que tôt ou tard, ce que tu comprends pas, c'est que si on avait laissé les choses en l'état, bah tôt ou tard, il y aurait eu des gens qui seraient tournés contre toi et seraient pu tourner violemment. Et forcément, en qualité de meneur que tu es, tu aurais dû sévir et peut-être qu'il y aurait déjà eu des morts. Après, moi, j'aimerais bien écouter Francis et Jared sur la question et que vous les laissiez parler. Richard. Parce que moi, je suis très intéressé parce que mon ami Ed dit, parce que je comprends pas trop, mais j'aimerais bien savoir. Tu vois qui c'était, tout simplement. Il te regarde droit dans les yeux, Alexios, quand même, avec un air un peu dépité, tu vois, un peu dépité, un peu provocateur. Comme s'il se disait directement, ils vont... Mes hommes, c'est mes hommes, de toute manière, ils vont pas me laisser tomber. Et de leur côté, Jared et Francis, eux, mettent du temps un peu à répondre, et c'est Francis en premier qui répond, et qui dit, de toute manière, ça a été voté, nous aussi on est jetés dehors. Même si on voulait revenir, ça changerait rien. Et de son côté, Jared, lui, il dit tout simplement, on va rester avec Richard. Et même si on revenait de toute manière, on serait mis de côté. Ça vaut pas le coup. Pas faux. C'est dommage. Ça aurait pu en être tout autrement. Je suis d'accord avec toi, Smith. Bah moi, j'en ai rien à foutre. Génial. Du coup, d'ailleurs, justement, ceux qui sont à l'avant, vous aussi, je vais vous faire votre jet de la session. Ce sera pas le seul jet, mais votre jet de la session qui sera... Pour Ashley, ce sera attention. Et pour Dwayne, ça va être attention aussi, en fait, parce que je sais pas où se rangerait la conduite. Donc allez-y. 47, bon. Alors, 89, très bon. Je vois. Très bien. Donc du coup, au fur et à mesure que ça roule et que vous suivez quand même un peu la discussion du mieux que vous pouvez depuis l'avant, vous remarquez que, bon, au fur et à mesure que vous vous éloignez du Casio Market et aussi de la zone... supposément enflammée au loin, parce que j'imagine que vous n'allez pas les jeter par là-bas. En vous éloignant, vous remarquez que du coup, à contrario de la zone avant qu'elle soit brûlée, ici il y a quand même pas mal de voitures, c'est un peu vraiment le chaos le plus total, ce qui vous fait faire de sacrés zigzags, parfois passer par des passages qui ont l'air assez bouchés, voire même à des moments dans des espèces de ruelles où Dwayne t'es un peu inquiété du fait que ça pourrait peut-être abîmer ton pick-up sur les côtés ou pas. Mais bref, des endroits assez secs. Je dis ça, j'arrive pas de faire une rayure, quoi. Et par contre, en effet, pour l'instant, toujours aucun des autres en vue. Où est-ce qu'on est censé les déposer à peu près? Est-ce qu'on a décidé d'un point précis ou... Ou pas? Rien n'a été décidé. C'est à vous de juger au mieux. Et toi, Alexios, qu'est-ce que tu penses qui serait bon pour les déposer? Enfin, à quel endroit on pourrait les déposer? On pourrait les déposer vers un des carrefours qui est vers plus le centre-ville, pas à côté de l'hôpital, pour éviter de se mettre en danger. Il y a une zone safe pas loin. Ok. Ça va pour toi, Dwayne? Après, c'est à eux de... C'est à eux de se démerder, de trouver la zone safe. Ok. Ok. J'espère juste que ce sera pas trop bouché. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on roule là? Après, on va avoir un petit problème, je pense. Dans pas longtemps. Il y a beaucoup de bagnoles dans le centre. En effet, en effet. C'est pour ça qu'on devrait bouger. En effet. Et oui, pour ce qui est de la durée, du temps que vous roulez, là, bon, je vais, ça doit vous faire comme 20 minutes, peut-être, comme ça, peut-être un peu plus. Il est compliqué de mesurer vraiment les distances que vous faites à travers ces minutes, parce que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de routes qui sont bouchées, pas mal de zigzags, pas mal de moments où vous avez l'impression d'avoir trouvé un chemin sur 3 rues, et puis finalement c'est tout bouché, donc il faut revenir en arrière sur 5 rues, et etc, etc. Donc assez compliqué. Ouais, en fait, si on avait voulu bien faire les choses, on aurait dû leur mettre une cagoule pour cacher la vue. Mais on l'a pas fait. À cette remarque, c'est une remarque que tu fais vocalement ou c'est juste une remarque du joueur? Non, on va dire que c'est quelque chose que j'ai pensé dans ma tête. D'accord, très bien. C'est dommage parce que j'aurais pu enchaîner avec une super remarque sur... Pardon. Non, non, non, tu vas éviter de parler comme ça. Surtout à moi. D'accord, je vois, monsieur n'aime pas la géopolitique du Moyen-Orient, je comprends. Très bien. Bon, du coup, bah, vous continuez à rouler. Je sais pas si vous essayez de continuer un peu les discussions ou pas. Oh, là, en tout cas, tant que vous ne lancez rien, la discussion elle meurt immédiatement. Hein. Leur côté, ils sont pas du tout dans l'idée de discutailler. Hein. Ouais. C'est pas très beau. Hein. Je discute tranquillement peut-être avec Dwayne à l'avant, mais sans plus, je pense. T'as pas spécialement envie de raconter, parler de la pluie et du beau temps. Quoi. Moi, je vais parler à Frichard. Tu vas remettre une couche. Exactement. Du coup, je me retourne vers Richard et je fais, écoute, c'est bizarre quand même que vous nous ayez menti. Parce que vous avez confiance et vous avez basé une énorme confiance sur le premier groupe qui était avec vous. En l'occurrence, j'en faisais partie et c'était moi qui allais souvent dehors vous chercher des choses. Ce qui me dérange un peu, c'est que vous nous ayez menti à nous tous, même aux nouveaux. Vous n'avez pas une confiance sur l'être humain. En fait, vous ne voulez pas mieux que les sortes de paramilitaires ou miliciens que j'ai vus. Je suis sûr que certains de vos hommes ont dû périr à cause de ce fait que vous mentiez souvent. Je me trompe? Je regarde Francis quand il dit ça. Tu regardes Francis et fais-moi juste un petit jet, on va dire, un petit jet de pouvoir, tiens, de pouvoir, voilà. On va dire que c'est le pouvoir traduit un peu quand même l'intelligence 40... sociale. 41 moyen, ok. Mm. Assez bon, tu vois quand même qu'à un moment, il soulève juste un peu tu sais, le regard et les sourcils pendant qu'il regardait loin. Au sol, regarde un peu dans la direction d'Alexios à ce moment-là, puis dans la direction de Richard, puis il rebaisse les yeux. Ok. Et pour ce qui est de Richard, lui, tu vois que il te répond pas immédiatement, mais tu vois la manière dont son visage se transforme que vous seriez pas dans une position où il est déjà en minorité, peut-être qu'il aurait commencé à être un peu agressif. Je parle pas d'essayer de te buter quoi que ce soit, mais peut-être même d'en venir aux mains s'il fallait. Mais il te répond pas immédiatement et il dit simplement « Ferme ta gueule, tu vois rien. » J'ouvre la porte et je le fais éjecter de la bagnole. Ok, comme ça? D'accord. Je vais te demander. Je vais te demander, du coup. Mais non, mais il n'y a pas de porte, c'est un pick-up. Oui, mais il le jette par-dessus. Ah, oui, c'est vrai. Mais du coup, je vais te demander un jet de force. Parce qu'il va bien entendu un peu résister quand même. Coup de latte et basculage en arrière. Ça part en baston 4. Dans les rues. 4 et j'ai... 4 mauvais. 4 ouais. Et t'as mauvais. 4 Oui, oui. Bon, oui, ben, bah, oui. Au revoir, Richard. Bah du coup, à ça, tu le saisis au col avec tes mains et tu le jettes en arrière, ce qui le fait, du coup, tu le jettes par-dessus bord, il tombe sur la route. Bon, vous rouliez pas à grande vitesse non plus, parce que comme je l'ai dit, c'est des rues, voilà, hein, on va pas le répéter encore une fois. J'ai juste une question, est-ce que Dwayne, tu quand tu vois quelqu'un qui est jeté par-dessus bord dans ton rétroviseur... Soigne d'un coup, je pile. Tu piles enfin... D'accord, du coup tu piles et tu demandes qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si des gens veulent réagir aussi avant que j'enchaîne. Des ennemis à l'horizon, enfin des zombies ou quoi que ce soit. Ouais, fais-moi un petit jet d'attention alors. Non, du coup moi je fais, mais qu'est-ce que tu fous Alexios? Ça va pas, non? Moi ce qui me dérange le plus c'est qu'ils disent que maintenant je suis inutile et que certaines personnes sont inutiles et ça me dérange le plus. Alors à ça du coup t'as par contre les deux autres militaires qui quand même se lèvent, ils sont plus en position assis et tout ça, ils se lèvent et ils... tu vois qu'ils font quand même un pas, on va dire, de solidarité, on va dire, vers toi Alexios, comme si quand même ils te disaient n'avance pas plus que ça, on va éviter que ça s'enrage. Moi du coup je personnellement je descends du pick-up. Et je pars chercher Richard. Même si en soi, mais bon, voilà, par principe, voilà. Ouais. Ouais, je retourne et par la fenêtre entrouverte, je demande mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Il a tenté de s'échapper? Non. Il m'a juste insulté et c'était la fois de trop. Bon, écoutez Lexios. Que tu les aimes pas, d'accord, ça je peux le comprendre. Mais en attendant, les violenter, non. Alors tu vas te calmer, ou bien tu vas monter devant et tu vas changer ta place avec Ashley. Parce que moi, j'aime pas comme ça qu'il y ait des imprévus dans le voyage qui font des accidents. Bah tu sais, qu'est-ce que t'en sais, il aurait pu tomber sous la roue. T'aurais pu l'écraser. Alors soit tu vas me promettre de te calmer, et on va les laisser tranquilles se faire leur vie, soit tu vas monter devant et tu vas arrêter de... parce que... C'est moi qui voiture, c'est ma voiture, donc c'est moi qui choisis. Ok? Ça marche. Mais il aurait peut-être mérité d'aller sous les roues, lui. Bon, et... Hein? Magnifique, incroyable. De ton côté, toi, Ed, du coup, bah, tu descends du pick-up et tu marches en direction de Richard. Ouais. Richard, qui s'est pas relevé pour ainsi dire, mais qui s'est assis du coup sur la route, il s'est pas relevé entièrement, avec un air clairement contrarié. Tu vois en t'approchant sur son visage qu'il essaye de se calmer, on va dire, pour pas se bondir debout et se rejeter dans la mêlée. D'accord. Mais il reste assis au sol au fur et à mesure que tu t'approches. Et une fois que t'arrives juste en face de lui, tu lui tends la main. Ouais. Ok, il lève le regard vers toi et il saisit ta main. Ok, lui, je fais... Ouais, désolé pour ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui lui arrive. Il va falloir qu'on se détende. On peut pas faire ces choses-là. Allez, viens. Évidemment. On peut jeter les gens dehors, mais on peut pas les jeter hors du pick-up. Écoute, tu aurais préféré qu'on s'arrête pas et qu'on te laisse là tout seul? Tu vois qui c'était. Bon, et puis moi j'avance. Tu l'as calmé. Du coup, il vous rejoint de nouveau à côté du pick-up. Et il est pas encore monté sur le pick-up, il pose juste les mains sur le rebord du pick-up comme ça. Ouais. Et toi, il regarde dans ta direction, Alexios. Et il te dit si tu veux régler quelque chose, on peut le faire maintenant. Avant qu'on redémarre. J'ai rien à régler avec toi. C'est juste une pourriture et on te laissera pourrir. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, allez. Je vais peut-être monter devant. Monte-toi, monte, dépêche-toi. Francis, mets-toi en face d'Alexios. On va pas recommencer encore la même merde. Je mettrai Richard en face de moi. Vous savez quoi, on va descendre ici. C'est Richard qui dit ça. Je regarde Francis, je regarde Jared. C'est bon pour vous? Tu vois que les deux ont un air un peu incertain, même un peu surpris, parce que a priori ils n'avaient pas discuté de ça. C'est vraiment une discussion, enfin une décision qui a été prise sur le tas. Et Francis dit ouais. Bon, écoutez les gars, honnêtement, moi je vous le dis, j'ai beau pas être un expert comme l'autre imbécile qui vient de me jeter par-dessus bord. Voilà. Mais je vois très bien qu'ici, ça m'a pas l'air non plus d'être l'endroit idéal. Donc ce que je vous propose, c'est que il va monter devant. Je vous promets que plus rien va vous arriver pendant le voyage. On vous emmène au point convenu parce que bon, j'ai beau pas vous aimer, j'ai pas envie que vous croviez quand même. Donc on va essayer de rester calme tout le long du restant du voyage. Et on va pas faire de conneries. On va pas vous mettre en danger. On va pas nous mettre en danger. Et tout le monde sera gagnant dans cette histoire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je laisse ma place. Ok. Je monte avec le... Ça marche. Le... Avec Dwayne, devant. Okay. Et je m'excuse auprès de lui d'avoir perdu mon sang-froid. Mais c'est pas grave que... C'est pas grave que... Et du coup, je tends ma main encore une fois à Richard pour qu'il monte. Bah, il prend ta main une nouvelle fois et il monte avec ton aide. Et il s'installe à nouveau et vous reprenez la route. De ton côté, Ashley, je t'ai pas donné de réponse pour ton jet, mais tu n'as pas trouvé, enfin tu n'as pas vu grand chose d'inquiétant. Ok, top. T'as pu voir au loin un endroit, un croisement de rue, en plein milieu d'un espèce de carrefour, au milieu des carcasses de voitures. Une autre carcasse, mais cette fois-ci humaine, mais clairement allongée au sol et clairement trop déchiquetée pour ne serait-ce qu'avoir la capacité de bouger, vraiment. Ok, tant mieux alors. On croise beaucoup d'infectés ou pas dans les zones de la ville? Est-ce qu'on les voit au loin, on les entend Eh bien, il faut dire que... Avant ce qui constitue notre première session, on va dire, il y en avait encore quelques-uns que vous voyez dans les rues, parfois qui passaient même devant le Casino Market. Puis c'est devenu un peu plus graduellement de plus en plus rare de les voir. Et là, depuis votre expédition et surtout depuis les explosions et l'incendie, vous n'en avez pas vu un seul dans les rues. Ouais, donc ça a l'air plutôt safe quand même. Au-delà des potentielles milices. Je note tout ça. Très bien. Donc bah du coup, vous remettez en route et vous continuez à rouler. Encore et encore. Et Ashley, tu as Jared de son côté qui commence à te regarder de manière un peu plus directe. Et un peu comme s'il avait l'intention de te dire quelque chose, mais qu'il était encore un peu trop dans l'embarras, on va dire, pour vraiment se lancer. Je lève la tête vers lui et je lui fais mm-hmm, pour l'inciter à s'exprimer. Non, c'est vrai. Je me disais, enfin, si ça s'était passé différemment. T'aurais bien voulu qu'on reste au Cadillo, moi et Francis. Ça m'aurait pas forcément dérangé, toi et Francis. À côté de ça, bien entendu, il y a toujours Richard, hein, cette discussion a lieu juste à côté. Et tu vois que lui, quand même, il regarde ses propres hommes avec un air un peu moins tranquille qu'initialement. Et j'arrête, tourne la tête de vers toi, Ed, vu que t'es à l'arrière toi aussi. Peut-être si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Moi je l'ai dit, personnellement, et c'est en toute honnêteté, j'avais décidé de vous donner une chance, mais simplement à toi et à Francis. Au vu des choses que j'ai entendues et du feeling. Pour moi, c'est important. Voilà. Tu vois que j'arrête quand même, prend un air un peu penseur. Il se remet à regarder le sol. Enfin, il se met à regarder de nouveau ses pieds. Avec un air plus penseur que gêné à présent. A priori, il remet quelque chose en doute. Pour ce qui est de l'avant, Dwayne et Alexios, est-ce que vous échangez quelques paroles de votre côté ou... Je pense que par précaution, déjà, j'ai fermé la petite fenêtre. C'est pour que je saute du véhicule ou... Mais non, on va de l'autre côté. Pour pas que tu entendes ce qui se passe derrière. Voilà, la fenêtre derrière nous. Donc. Ah. Et puis oui, je pense qu'effectivement, je sais pas, je vais dire oh, gamin, je sais que t'en as dans le ventre, que t'es en colère, mais écoute, de toute façon, ils sont pas nombreux, ils vont rester en ville, leur chance de survie est déjà pas très élevée, alors on rajoute pas. Écoute. Et de 20% si tu veux savoir. J'ai calculé. Moi, j'avais 10% de survie quand je sortais. Ils ont 20%, sauf s'il y en a un qui bute l'autre, hein, ou les trois qui se butent tous, les trois, je sais pas. Ouais, bah, 20 plus 20 plus 20, ça fait 80, donc... Ah bon? Ça fait 60. Ça fait très peur, là. Dwayne... Je suis désolé de vous le dire, oui, mais c'est pas qu'il a piqué par un moustique. Mais du coup, vous venez de Caroline du Nord ou du Sud, d'après ce que j'ai compris. Pardon? Non, mais moi, vous venez de... Moi... Ah, de la Géorgie. Ah, vous venez de la Géorgie. Non, mais non, pas du tout. Mais vous venez d'où alors? Je viens d'un bled paumé à la frontière de la Géorgie. Attention, moi, je suis bien d'ici, je suis du coin. Ah, vous êtes de la famille, d'accord. De la quoi? De la Floride. On est en Floride aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous me faites peur, hein, Dwayne. Désolé. Ah, c'est toi qui me fais peur. Tout le bagaille, tout le temps, là. Non, mais. Oui, ouais, je viens de la frontière, pas très loin. Un petit bled paumé, j'avais mon garage là-bas. D'accord, vous avez un garage là-bas. Ah, mais c'est cool ça. Ça s'appelait Timson Father and Son. Sympa, comme nom. Parce que c'est, je travaille avec mon père dedans. C'est une entreprise familiale, quoi. Ouais, enfin, maintenant je suis tous. Enfin... J'étais tout seul, mais ouais. Yes. Quand j'avais un père, on était deux, et puis on travaillait. Puis j'ai repris. Je suis pas allé à l'école, je suis allé travailler directement. Ah, ça c'est cool. Ouais. Moi j'étais dans une initiative. Toi, tu viens de Floride? Je suis franco-américain. Mon père est français, ma mère est américaine. On s'est installé à New York et je suis venu pour travailler dans une bibliothèque. Ah ouais, la France, Berlin, ouais, je connais. Voilà. Berlin, c'est en Allemagne. Ouais, peut-être. C'est pas l'Europe, de toute façon. Si, la France, c'est l'Europe. Ouais, voilà. C'est... Et du coup, ouais, ton père est américain, c'est ça? Non, c'est... il est français, mère est américaine. Ah. Ah, dis donc, t'as vu là au loin, il y a une espèce de forme bizarre là, non? Regarde la route. Ouais, ouais. J'éclate de rire. Mais sinon, officiellement, je suis américain, je suis né à Lyon. Ah, tu me rassures. Je suis pas français. Je suis d'origine, mais. Voilà quoi. Et t'en penserais quoi qu'on s'installe dans mon petit bled là-bas? Si il y a suffisamment de quoi faire pousser des tomates, des carottes et tout le reste, tu vois pas d'inconvénient. Ah oui, oui, oui, bien sûr, moi. Puis bon, j'ai un garage quoi. Donc, elle est petite, mais c'est un garage. Bah écoute, pourquoi pas. Je t'apprendrai à faire certaines choses en survie et je voudrais bien que tu m'expliques deux ou trois trucs en mécanique. Bah oui, bien sûr. Bah c'est cool ça. Bon. Génial. Elle est magnifique. Des liens ont été faits, des liens ont été noués. Et du côté de nouveau, dans l'arrière, je vais juste demander à Dwayne et à Alexios avant ça, juste de me faire encore des jets d'attention le temps que je m'occupe des gens à l'arrière. Pour ce qui est des gens à l'arrière, bah, la discussion est vite retombée à zéro, hein, une fois que Jared s'est mis à réfléchir. Et vous pouvez remarquer que Richard a de nouveau eu son visage qui s'est transformé en un visage d'une certaine colère. A priori, il n'aime pas ce qui est en train de se couver chez ces hommes. Mmh. Et à un moment, tout simplement, il lâche dans votre direction, il lâche. Vous me dégoûtez, vous tous. Vous me dégoûtez. Vous nous foutez dehors et maintenant vous voulez que je me retrouve tout seul. Alors que tout ça, je le faisais pour vous tous vous garder en vie, pour qu'il n'y ait aucun d'entre vous qui crève. Une question pour toi, Richard. Tu te retrouves avec tes hommes sur un toit d'immeuble. Il y a un hélico qui s'y pose. Tu montes en dernier. Tu vois que la question le met directement vraiment dans une... Le désarçonne complètement, tu vois, il est complètement surpris. Et à ce moment même, tu sais, où tu vois que, tu sais, il a le petit mouvement de tête un peu secoué, en mode « est-ce que j'ai bien entendu ?» Et il regarde directement ces hommes qui sont à côté de lui. Ces hommes qui, dès qu'ils ont compris qu'il est en train de se passer, ils regardent d'ailleurs. Et il te dit tout simplement « qui t'en a parlé de ça ?» Je te pose une question, c'est tout. Tu montes en dernier. Oui, dans le cas dont tu parles, oui. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir, merci. Et j'ai un petit sourire au coin de lèvres. Tu vois qu'il comprend parfaitement hein, de quoi tu parles, de toute manière. Et tu vois qu'il n'attend pas très longtemps avant de te relancer directement sur ça. Il dit « Mais ce à quoi tu fais référence, c'était une situation très différente. » Ah bon? Et en quoi elle était si différente que ça? Elle était très différente parce qu'il y avait déjà... pas seulement moi et mes deux hommes, il y avait plus de personnes, il y avait beaucoup plus de personnes. C'était sur le toit de l'hôpital, celui sur lequel je vous ai envoyé. Le bâtiment était rempli de gens qui devaient survivre, de gens qui étaient condamnés, de ces choses. On était une dizaine, une vingtaine sur le toit, bloqués. Avec les portes, tout le monde contre les portes, en essayant d'empêcher les choses de monter avec nous. Mmh. L'hélicoptère était là. J'ai fait monter un maximum de gens. Ma femme. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il n'y avait plus de place, évidemment, j'ai pris ma chance. Mais est-ce que Francis et Jared étaient déjà montés ? Vu qu'ils sont là, non. Donc, tu penses que tes hommes ont confiance en toi maintenant ? Je sais qu'ils ont confiance en moi et je sais qu'ils comprennent parfaitement ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu diras ? A priori, aucun des deux sur les côtés ne s'exprime ou quoi que ce soit. Ils regardent toujours sur le côté en essayant d'éviter ce qui est en train de se passer. Mmh. Tu vois que vraiment qu'il bouillonne, c'est son visage vraiment est rouge, pour ainsi dire. Il bouillonne véritablement, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de sa tête. Et il dit simplement « D'accord, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, vous allez descendre et je prends ce pick-up. » Pardon ? Vous allez descendre et je prends ce pick-up. Tu recommences encore à reproduire la même chose, ne penser qu'à toi-même, au-delà du reste. Est-ce que tu as demandé l'avis de tes hommes avant de faire ça ? Et là, je regarde Francis et j'arrête droit dans les yeux. Enfin, du moins, je switch d'un gars à l'autre. Et en essayant de leur faire comprendre que c'est peut-être maintenant leur seule chance, peut-être, d'avoir une infime chance de rejoindre le groupe avec nous. Je comprends ce que fait Ed et je fais exactement la même chose. Ok, alors je vais vous demander à tous les deux de me faire un jet de pouvoir. Et pendant ce temps, Richard, lui, de son côté, il dit simplement... Mes hommes vont me suivre parce qu'ils savent très bien que là où vous nous amenez, c'est juste nous condamner à la mort. Et lui aussi va faire changer de pouvoir. Vous retournez la question. Je regarde bien fixement les deux. 33, bon. Réfléchissez bien. 22 moyens. Je suis encore très jeune et elle a une fille qui l'attend là-bas. On vient vous juste... c'est comme ça que vous nous remerciez. Je rajoute juste un truc à leur rencontre. J'oublie complètement Richard. Je me dis, vous savez, j'ai pas fait que toujours du bien dans ma vie. Pour être complètement franc, j'ai passé une bonne partie de ma vie en prison. J'ai fait des conneries. Et ce temps en prison m'a fait réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, je vis pour les autres. Je vis pour me racheter de cette vie de merde que j'avais avant. Et je vis pour la petite. Ma vie à moi, elle vaut pas grand-chose en vrai. Mais si je commence à penser à ma gueule, alors j'aurai tout perdu. Maintenant, c'est à vous de prendre votre décision. Je vois qu'ils ont... Vous voyez tous les deux qu'ils ont l'air extrêmement... extrêmement hésitants. Vous voyez qu'ils sont... Ils sont dans une position où ils sont à la moitié entre rester assis et s'immobiliser ou commencer à se lever ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment dans un demi-mouvement, ils savent pas dans quelle direction ils veulent aller. Les autres vous laisseront jamais revenir si vous nous avez abandonnés à la mort sur la route, vous le savez très bien. C'est votre chance de revenir avec nous, mais si jamais vous débarquez sans moi ni Ed, Cynthia, la petite, les frères... Place. Et les autres vous laisseront jamais réintégrer la communauté, vous le savez très bien. Vous voyez que Richard, tout simplement, lui de son côté, du coup, fait mouvement comme s'il commençait à se lever. Pas de manière brusque, mais comme s'il commençait à se lever de manière ordinaire. En disant simplement, là où ils vont nous lâcher, c'est au milieu de nulle part. Et avec tout le bon vouloir d'Alexios et de ses cartes, à 3, on vaut rien. Je suis désolé, vous nous forcez à prendre notre survie personnelle par-dessus celle de la communauté. On va retourner là-bas et on va faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire prendre notre place en tant que protecteur des lieux. Vous, par contre, c'est terminé. À ces mots-là, malheureusement pour vous, les deux autres militaires aussi se lèvent et portent la main à leur ceinture. Je me jette sur... Attends. Et j'essaie de le pousser par-dessus. Okay. Très bien, tu fais ça. Je dirais simplement avant... Tu vois quoi dans mon rétro, moi? D'accord, ils essaient bien de nous tirer dessus, hein. Ils sont pas en train de se retourner contre lui, hein. Pour l'instant on sait pas, ils se sont juste levés et mettent la main à la ceinture. Parce qu'il y a eu, malheureusement pour vous, j'attends une demi-seconde avant de faire cette action. Je suis juste à côté de Ashley, moi. On est du même côté, je pense. Eux ils sont en face de nous et nous on est tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, j'ai un pressentiment de... Je sais pas. Et du coup, je, au moment où elle va faire quelque chose, je la retiens assez fortement. S'il me lâche, je bondis. Ok, très bien. Bon, vu que tu as le consentement de Ashley pour le fait que tu la retiens, on va pas faire de jet et de dextérité. Mais je regarde les deux, là, comme ça. Là. J'ai oublié Richard. Richard, il n'existe plus, moi. Je regarde les deux droit dans les yeux. Eh ben, tu vois en effet qu'ils portent la main à leur ceinture et ils retirent leur arme du coup de leur ceinture et ils commencent à les pointer dans votre direction. Pas dans l'idée, ils sont pas en mode blim et là ils vont regretter la tête. Mais c'est-à-dire qu'ils commencent, ils vous pointent quoi au moins pour vous immobiliser. Pendant ce temps, ceux qui sont à l'avant, je vais même pas vous faire de jet d'attention pour ça. Vous vous rendez compte qu'à l'arrière, en effet, des gens se lèvent. Et a priori, les mauvais gens se lèvent. Et vous remarquez aussi, vous vous rendez compte que... Peut-être que le fait qu'ils aient accepté de remonter sur le pick-up après qu'Alexios ait été mis devant avait un autre but. Parce qu'en effet, les deux seules personnes ici avec une arme à feu sont à l'avant. Je vais vous demander t'as ce que bien vous dit qu'il y avait une vitre. Il y a bien une vitre derrière qui s'ouvre, non? Et Richard est collé contre la vitre, c'est ça? Non, pas. C'est pas contre la vitre. C'est vraiment, ils sont sur les côtés du pick-up, quoi. Les deux groupes sont sur les côtés du pick-up. J'ouvre la vitre, je sens mon flingue. J'appuie sur la culasse, donc je mets la détente. La vitre est ouverte, je fais « Dwayne, arrête-toi, s'il te plaît. » Et je me retourne vers les deux autres, là, je fais « Maintenant, vous allez vous attendre. » Bon, bah, je passe la deuxième, je passe la première, et puis... On va s'arrêter un peu, mais il y a du truc, il va y avoir une horde. Lentement, vous vous arrêtez, le véhicule se ralentit et s'arrête. Pas loin d'un croisement, mais toujours sur une ligne où il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, hein, c'est toujours une rue en avant, en arrière. Pas loin d'un carrefour. Et le véhicule est immobilisé à présent. Alexios, j'ai juste une question pour toi. Au moment où, du coup, tu es remarqué, il y a de toute évidence, en effet, c'est prévisible. Un des militaires, en partie dans ce cas-là, c'est Jared Ross, qui se tourne vers toi avec son arme à la main. Il est pas, il fait pas un bond dans le genre de te tirer dessus ou quoi que ce soit, mais il va dans la direction du coup de te pointer et de te garder en joue. Est-ce que ta réaction, c'est de laisser le combat de cow-boy se faire, ou est-ce que tu tires avant ou quoi que ce soit Je tire pas. Je le regarde dans les yeux. Et là, je vais parler. C'est bizarre, moi qui voulais que toi, Jared et Francis soyez dans la colonie, entre guillemets, et que Richard ne reste pas. Parce que vous savez très bien que je vous ai ramené des médicaments avec ceux qui sont avec nous dans cette voiture. Et aussi, je vous ai ramené plein d'autres choses aussi. Des vivres et tout ça. Et vous On a plus le temps de parler de ça, Alexios. C'est Jared qui parle. On a plus le temps de parler de ça. Je suis désolé. Ah bon, T'étais sain, oui. En parallèle, du coup, vu qu'il a l'air de se passer beaucoup de choses, moi, je vais sortir des véhicules. Ouais. Genre, pour me jeter par terre, et puis je vais... Genre, contre le pick-up. Ouais. Et puis, je vais sortir mon flingue. Ok, donc, très bien. Donc, tu vas suivre ton chef, qui, d'après ce que je comprends... On a plus le temps. Je t'apprécie, Alexios, et j'apprécie chacun d'entre vous. Mais Richard a raison. Maintenant, c'est plus que nous trois. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez qu'on est les seuls à avoir des armes ? Un feu, dans la colonie ? En tout cas, on a d'autres qui ont des armes. Ouais, mais ils vont vous abattre automatiquement et froidement, vu qu'on ne sera pas revenu. Tu vas me faire croire que vous alliez revenir. Ne prends pas pour des imbéciles, Alexios. Je te respecte, essaye de me respecter revenir. Aussi. Je te rappelle qu'il y a une gamine, à Ed, qui a l'ami à Ashley, qui a des amis à nous qui sont là-bas. Donc on serait revenu automatiquement. Et si tu me crois pas, c'est bien dommage. Question au temps qui passe. Parce que Francis. Pendant le dialogue, j'aimerais regarder un truc. Ouais. Juste, je me permets du coup d'interrompre. Est-ce que si jamais. Il y a un angle possible pour que si j'en pousse un, il tombe sur un autre. J'essaie de me voir la scène, mais ouais, pas spécialement, non. Ok. Je me prépare, je me concentre pour essayer de calculer la meilleure manière d'en faire tomber un par-dessus. Parce que là en fait, il y en a deux qui ont sorti des flingues, et Richard, il a rien, pour l'instant. Richard n'a pas encore sorti son flingue, il est à la ceinture, mais lui, il n'a pas encore sorti. Donc, il y a deux personnes qui ont des flingues dans notre direction. C'est ça. Jared qui est dans la direction de Alexios et Francis qui me braque moi ou qui braque qui vous braque vaguement tous les deux, on va dire. Vous êtes un peu l'un à côté de l'autre vaguement. Okay. Donc ouais. Moi je continue à, pendant qu'Alexios est en train de discuter, je regarde Francis avec énormément de puissance visuelle. Genre, en gros, il peut encore changer ça, lui tout seul. Ok. Voilà. Très bien. Je vais te demander un dernier jet de pouvoir. Ouais, c'est le moment qu'il faut. Voilà. À Alexios aussi, je vais te demander un petit jet de pouvoir, pourquoi pas. Et Dwayne, toi, de ton côté, du coup, tu n'as pas été remarqué. Ils sont concentrés parce qu'il n'y a que... Il n'y a plus que Francis avec une arme qui est fixée directement par Ed, qui est, il faut pas l'oublier, Ed est quand même un sacré bonhomme. Donc ils ne t'ont pas remarqué. Ça, c'est le D100, donc tu sais, avec les dizaines. Ouais. Et ça, c'est le reste. Ah, yes. Voilà. intéressant. Ouais. Dwayne, je vais te demander du coup ce que tu fais. Dwayne, il éternue. Du coup, j'ai niqué la couverture. Non. Ah, celle-là, t'as été remarqué. Il se retourne et tire dessus. Non. Je voudrais retirer doucement le cran de sécurité et me lever peut-être d'un coup et mettre mon pistolet, mon flingue derrière Richard, si c'est possible. Ok, je vais te demander un jet de... Alors, un jet de... Bah, de dextérité, tiens, on va dire, ouais. De dextérité. Bon, je suis moyen. Voir ce que ça va donner. Alors, 75 en étant moyen... Aïe, je vais faire un petit jet pour voir de mon côté. C'est une situation intéressante ce qui est en train de se passer là. D'accord. Du coup, alors que Alexios et Ed, vous essayez de faire un dernier revirement de situation pour vos deux militaires les plus sympathiques que vous avez, vous commencez à voir peut-être plus de doutes encore qu'ils n'en avaient déjà dans leurs yeux. Vous voyez peut-être qu'il y a même du côté peut-être de Francis, le moment où, c'est où il commence à baisser son flingue, tu vois, comme s'il était en train de se dire... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis pas comme ça, je suis pas un pillard ou quoi que ce soit. Malheureusement, c'est le moment où Dwayne, du coup, qui aurait pu entièrement renverser la situation dans votre bon sens, hein, et ça aurait pu être très victorieux ce qui aurait pu se passer. Il aurait pu n'avoir rien du tout. Malheureusement, c'est le moment où, en se relevant d'un coup et en sortant son flingue pour le mettre dans le dos de Richard... Vous savez, ce fameux bruit de la chaussure qui gratte contre le goudron de la route, vous savez, le... Et ça fait immédiatement réagir Richard, qui se retourne en prenant son flingue à la main, et je vais demander à Dwayne, encore un G, qui va ici être un G... de chance pour le coup. Le premier jet de chance de la campagne, je crois. Je crois aussi. Est-ce qu'il y en a un qui va mourir? J'annonce, je suis bon. Mm-hmm. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Tu seras bon jusqu'au bout. Ça a pas l'air. Ah! Ah ah ah! Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'il y en a un qui va mourir ce soir? C'est la question. Il n'ose pas répondre. Oh, c'est pas bon signe. Ah oui. Regarde. C'est incroyable, dis donc. C'est un grand moment, tout ça. Ça? C'est un? Un. Un. Bon, est-ce qu'il a fait un revirement de situation? J'ai désarmé. Eh bien, ce qui se passe, eh ben, honnêtement, avec une victoire, avec un comme ça, je peux pas faire autrement. Ce qui se passe, c'est qu'il se retourne en sortant son flingue vers toi, et t'as le bon réflexe de te rattraper comme il faut, et du coup de donner un coup toi-même avec ton arme dans sa propre arme au moment où il se retourne. Ce qui lui fait cependant tout de même tirer, mais dans une direction... De toute façon, il était en train d'appuyer sur la gâchette, quoi. Ouais. Tu le fais tirer dans une direction autre que la tienne, autre que celle des autres, et tu lui fais lâcher son arme immédiatement. Ok. Bien entendu, la situation s'envenime immédiatement, et avant même que vous ayez eu trop de réactions, de moyens de réagir les autres, vous avez, vous, Ed et Ashley, vous avez Francis, qui relève son arme de manière solide vers vous et qui vous dit « par terre, couchez-vous par terre !» Et du côté de Alexios, t'as Jared qui suit aussi et qui dit « lâche cette arme, me fais pas tirer, lâche cette arme tout de suite !» Là, vous comprenez qu'a priori, ils sont plus trop dans l'idée de discuter dans l'immédiat. Il va falloir décider, soit vous obéissez, soit vous désobéissez. On peut trouver un autre moyen, vous savez. Je pense que je vais mettre par terre. Il écoute pas celui-là. Je lui dis, c'est pas le moment de parler, il continue à parler. Je pense que je vais mettre par terre. Mais si ça commence à tirer, je vais sauter sur le premier qui a besoin de rechercher, parce que de toute façon, c'est... Enfin, c'est... Elle a viré où, son arme ? C'est des gens armés, quoi, genre. L'arme de Rich. Est-ce qu'elle n'est pas tombée dans les pieds de... Toi, t'es du genre à vouloir la récupérer, non ? C'est ça ? Techniquement, elle aurait pu filer dans les pieds de Ashley. C'était quand même un 1 de chance de la part de Dwayne. C'est vrai quand même que ça peut être assez sympa. C'est vrai. Vu que c'est toi qui poses la question, je vais te demander toi aussi un jet de chance. Et je vais être assez gentil sur le résultat. Ouais, 58. Et je suis en moyen. Et t'es en moyen, oui, ça passe. Alors, le flingue n'a pas été envoyé à tes pieds ou au pied d'Ashley, mais il est dans le... Ouais, dans l'arrière du pick-up. Il n'est pas hors du véhicule. Dans ce cas-là, je vais obtempérer et essayer de zioter un petit peu où il est. Et quand je vais m'allonger, c'est de m'allonger dessus. Étant assez costaud, assez large. Essayer justement de profiter de ma taille pour m'allonger à l'endroit où il y a l'arme, en fait. Ok. Il est temps de changer un peu la musique. On est en retournement de situation. Ok. Du coup, tu commences à te coucher au sol. Ed, Ashley, tu obtempères aussi ? Moi, j'obtempère aussi. Je m'allonge. Ouais. J'enlève pas l'idée de potentiellement leur sauter dessus derrière, mais au moins avant que les coups de feu partent, je m'allonge. Quoi. Ok, donc tu obtempères, tu commences à te mettre au sol. De ton côté, Alexios, et je te rappelle, je t'ai dit, tu peux pas parler. Enfin, tu peux essayer, mais je te promets pas que ça va se passer très, très bien. Si tu sais pas agir, moi j'ai une idée. Oh, j'ai très peur de ton idée. T'as 5 secondes pour prendre une décision, Alexios. Je décharge, je fais ok. Et je sors de la voiture en mettant mes mains en l'air. Avec le flingue à la main. Ok. Et en même temps que de sortir, comme ils sont en train de gueuler, je réactive mon arme. Le fourbe. Alors, dans tout ce mouvement, tu es quand même suivi par le flingue de Jared, et je vais faire un petit jet de Jared parce que c'est quand même un militaire, il est censé pouvoir marquer quand on fait. Ouais, mais non, tu sais, t'as un laps de temps à un moment donné quand tu rouvres la porte et tout ça, quand tu passes la main dans la... T'arrives à voir parfaitement dans quel cône de vue il a et tout ça. Très bien. Ok, très bien. Alors, il y a un jet qui a été fait de la part de Jared qui a eu un résultat. Je vais d'abord demander ce qui se passe du côté de Dwayne. Ok. Non, c'est pas con, mec. Bon, Richard en otage. Ok, donc tu veux choper Richard et... Ok, très bien. Je vais te demander un jet de force, parce qu'il va se débattre. Même, je vais te dire, tu le vois même au moment où tu essaies de le choper, tu vois que lui-même était parti, du coup, dans l'idée, lui-même, de te sauter dessus et de continuer à main nue. Ok, je suis bon. Mmh. 85. Mmh, bon, 85, ok. Ok. Du coup, tu vois, t'essayes de le choper entre tes mains, tandis que lui te saute dessus. Tu n'arrives pas à le choper, et c'est bon, tu tombes au sol avec lui au-dessus de toi. Et vous êtes tous les deux en train d'essayer de vous saisir, tous les deux l'un de l'autre, d'essayer de vous immobiliser. Et ça part en lutte, clairement, en lutte. Et je vais te redemander un jet de force. Et pour ce qui est du côté du jet qui a été fait, du côté d'Alexios et de Jared, toi, du coup, tu descends, t'essayes de bien timer le moment où tu réenclenches. Cependant, Jared le remarque. et tu vois qu'il a un moment, tu sais, dans ses yeux où il est en mode pourquoi t'as fait ça, et il va tirer. Je me mets par terre parce qu'il a pas le temps de tirer. Je vais tirer la jambe au dernier moment pour les stabiliser. Je me mets par terre et en même temps je vise la tête et je lui tire dans la tête. Bah, vous allez me faire tous les deux un jet de dextérité. Ça, tirage de tête. Là, je... ah, c'est du... Bon, un mètre carré. John Wick, là. 58 et dextérité, je suis... Attends, je te dis ça parce que je suis obligé d'enlever mon doigt pour... Ouais. En dextérité, je suis bon. Et j'ai fait 58. Ok. De ton côté, Alexios, tu as fait 2 et tu as bon. Par contre, du coup, de tout ce que ça va résulter, j'imagine que Francis forcément va réagir à ce qui se passe, qu'il va regarder à droite à gauche. Et moi, de même, j'en profiterai pour essayer de lui mettre un coup de crosse dans la tronche. Ok. Alors, un coup de crosse dans la couille. Voilà ce qui se passe en l'espace d'une seconde, d'une microseconde. Il y a le moment où j'arrête, te regarde avec un air en mode. Pourquoi t'as fait ça? Et tu vois que ses bras se tendent véritablement pour te tirer dessus. Toi, tu te jettes au sol pour essayer de sortir de sa ligne de mire. T'essayes aussi, en espérant au bon moment, de tirer dans sa direction. Cependant, tu Ashley, c'est le moment où tu te jettes sur les pieds de Jared, ce qui le déstabilise et du coup le fait un peu se rattraper sur le côté, ce qui fait sortir Jared de la ligne de mire d'Alexios, qui tire donc directement... dans la vitre du pick-up. Et au même moment, Ed, tu te jettes sur Francis. Je vais te demander un jet de... T'es dans l'idée de l'immobiliser ou juste de le faire tomber? En fait, je vais lui donner un coup en force, quoi. Fais-moi un jet de force. Fais-moi un jet de force pendant ce temps, toi, Dwayne, t'es à la lutte directe avec Richard. Richard, lui, qui a vraiment le visage rouge et qui s'empêche absolument pas de t'envoyer des insultes dans tous les sens, et pas seulement des insultes, mais aussi une roide de coups. A priori, Richard est en train d'avoir le dessus sur toi, Dwayne. Je vais te redemander encore un jet de constitution avant tout, pour voir comment ça se passe, comment tu vis. Le fait de prendre assez cher. Alors moi c'est 34 en très bon. Au niveau de la force. C'est okay. Clairement mon point 34 fort. Très bon. Ok, donc toi tu te jettes sur Francis, tu lui donnes un coup pour le, et du coup tu le désarçonnes complètement de sa position, il perd ses appuis. Il tombe sur le côté, se raccrochant sur le bord du pick-up. Il n'est pas tombé du pick-up, il est toujours à l'arrière. Mais il tombe sur le côté, on va avoir Dwayne qui va réapparaître. Ouais. On va attendre qu'il arrive. Ouais, après moi, juste pour expliquer après, pour ma part, hein, parce que je me concentre pas forcément sur le Z, mais ouais. Je lui mets un gros pain dans la tronche. Genre, en gros, je veux l'assommer avec un pain direct. Quoi. Ok, donc Schulzerson, tu vas directement pour lui envoyer un coup directement dans la gueule. Pour le calmer, je vais te redemander de nouveau un jet de force. Donc je suis en très bon 84. 84, très bien. En très bon. En très bon. 84 en très bon, d'accord. Ok, du coup tu le une fois qu'il est au sol à l'intérieur du pick-up, t'essaies de lui donner un grand coup. Dans le visage, t'arrives en effet à lui donner un coup, cependant, a priori, t'arrives pas à donner l'impact que tu voulais. Ouais. Tu lui donnes un coup, il est toujours là, et tu vois que lui aussi, a priori, commence aussi à en venir aux mains, et il part dans l'idée, lui aussi, de te bastonner. Oh bah, y a pas de souci, hein, on joue la baston. Ok. Dwayne, je vais avoir besoin d'un jet de constitution de ta part, parce que Richard est en train de prendre le dessus sur toi, et il te rue de coups, il est au-dessus de toi. Ok. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Okay. Ça roule. De ton côté, Ashley, toi qui as fait. Qui a désarçonné un peu aussi Jared, tu vois que par réflexe, il va donner un coup de pied dans ta direction pour se défaire un peu de ton. Et je vais te demander un jet de constitution aussi, parce qu'a priori, il te touche. 100. Ouf. Ça m'a... Est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier si je suis bon ou... Oh, ça pourra m'aider à avoir une ampleur des dégâts. 100. Ça convient. Je suis pas très mauvais, je suis mauvais. D'accord, très bien. Mais tu vois que dans ton geste héroïque, du coup, tu l'as désarçonné et par réflexe, lui donne un grand coup de pied dans ta direction pour te faire lâcher. Tu casses la jambe. Et il te donne directement un coup de pied dans le visage, si ce n'est qu'il t'a peut-être même cassé le nez, il t'a peut-être cassé même plus que ça. Mmh. Et tu vois noir, quoi. Tu vois noir et tu perds ton équilibre. T'es pas dans les pommes, pour ainsi dire, mais t'es pas là, quoi. Tu sais qu'il se passe, t'entends des choses se passent autour de toi, tu sais ouais, même pas quoi là, ça correspond. Complètement, ouais, bien sûr. Ouais, là tu vois des étoiles quoi. Du côté, alors oui, on va voir du résultat. 47, très mauvais. Ok, alors du coup, Dwayne, bah, toi aussi dans une assez mauvaise posture physiquement, parce qu'en effet il est au-dessus de toi, il te rue de coups, t'essayes de te défendre, mais il prend clairement le dessus, il est en train de clairement prendre le dessus. Si ça continue comme ça, il va réussir à t'enchaîner quelques coups qui vont te faire voir des étoiles à toi aussi. Je vais poser la question à Alexios. Ouais. J'ai une question. Est-ce que eux, ils sont par terre ou ils sont juste debout en train de se foutre sur la gueule et où lui, il est un an dessus sur un... Alors, qui est qui? Qui est par terre? Dwayne et Richard. Dwayne et Richard, ils sont de toute façon, ils sont hors du pick-up, ils sont directement sur le goudron. Et ils sont en train de se tabasser et il est directement au-dessus de lui, quoi. Est-ce qu'il y a Jared qui sort ou ils sont en train de s'occuper à l'intérieur d'eux? Non, ça se passe en même temps que le gros coup de pied que se prend Ashley, donc il est encore à l'intérieur du pick-up. Ben, je me retourne vers Richard, je lui fous un grand coup de flingue dans la tête. Mais... une balle. Ok, ça c'est moi qui en déciderai de ce que tu fais. Fais-moi un petit jet pour tes tirs. Jets qui seront le suivant, c'est-à-dire un jet de dextérité, on va dire. Allons-y. Vu qu'a priori tu veux faire un tir de 13 millions. Exactement, et j'ai fait 55 et j'ai bon. 55, c'est bon. Okay. Du coup, tu pointes le flingue dans sa direction, tu tires et tu sais que tu l'as touché. Il se met à rouler sur le côté. Dwayne, de ce fait, tu es libéré de l'emprise de Richard. Je vais te demander ce que tu fais d'ailleurs immédiatement. J'essaie de me relever déjà. Ok, donc je vais te redemander un autre jet de constitution pour voir si tu es dans l'état de te relever immédiatement. Du côté du coup de Ed, tu continues à rouler. Oh bah moi, j'en remets à taquet. Hein. Ok, allez, refais-moi des petits jets de force là. 69 en très bon. 69 en très bon, ok. Du coup, tu continues à te donner des coups, tu fais un coup, un second, un troisième. Tu vois que tu n'arrives pas à y mettre la force que tu devrais y mettre. Il y a tous les mouvements autour de toi, parce qu'il y a quand même Jared qui est aussi en train de finir Ashley de son côté. Enfin, avec un seul coup, hein, mais il y a du mouvement, quoi. Il y a même des tirs, t'entends encore des tirs. C'est le troisième tir ou le quatrième qu'il y a depuis que cette scène a commencé. Ça ramène pas les autres. Donc tu donnes les coups que tu peux, pas assez fort. Tu sais même pas, peut-être même que c'est parce qu'au final, tu aurais bien voulu que ce soit ton pote, le Francis, mais... Oui, je suis pas à fond dans ce que je fais, quoi. C'est ça, voilà. J'ai pas envie de le tuer, en fait. T'essayes de le calmer, mais a priori, lui aussi, il commence à s'enrager. Tout le monde est en train de s'enrager. La situation a clairement dépassé le moment où il n'y a plus rien de possible. Je vais faire un G. Bon, Ashley, pour l'instant, je saute un peu ton tour, hein, pour le moment, parce que... Ouais, voilà. Normal, là, je me suis pris un sang, c'est normal. Ok. Du côté de Jared, donc, qui vient de finir Ashley et qui va sûrement s'intéresser à quelqu'un d'autre. Hop. Ok. Eh bien, Jared, une fois après avoir donné un coup de pied dans la tête directement d'Ashley, va se tourner directement vers la personne qui est le plus grand danger pour lui, a priori, c'est-à-dire la personne qui a une arme à feu et qui vient de tirer. C'est-à-dire toi, Alexios. il va te pointer avec son arme et il va essayer de tirer aussi du mieux qu'il peut. En sachant que toi, du coup, t'es concentré sur Richard, donc je ne vais pas te donner la possibilité d'éviter plus que ça. Ouais, bah c'est bien, bah il tire sur quelqu'un d'allongé. C'est un lâche. Okay. Alors, je vais te faire. Je vais te demander simplement un jet de constitution, s'il te plaît. Mon petit Alexios, il semblerait que tu te retrouves dans la même situation que la dernière fois qu'on a fait une campagne The Walking Dead. J'ai fait 9 et j'ai. Moyen. 9 moyens, ok. Je pense que c'est le début de partie où j'ai des bons jets et à la fin de la partie, je vais avoir des mauvais jets. Alexios et tout le monde, vous entendez encore une fois une nouvelle détonation. Et Alexios, tu sens une douleur profonde. Avec l'adrénaline, tu sais pas encore d'où elle vient, tu sais pas où elle est, tu sais pas ce que ça fait, tu sais pas si t'es immobilisé ou quoi, mais tu sais que t'as été touché. Mmh. Voilà. Du coup, je crispe les dents, je me retourne vers la personne qui m'a tiré dessus. Mmh. Et je vois Jared Ross qui m'a tiré dessus. Ouais. Ok, bah je vide mon chargeur sur lui. Ok, eh ben je vais te demander un jet aussi de. Je vais te rouler comme une passoire. Allez, vas-y, fais-moi tes petits jets en dextérité. Combien je t'en fais ? Fais-moi en 3. On va voir comment ça se passe. Okay. Le premier c'est 61, j'ai bon. Le deuxième c'est 5, j'ai bon. Le troisième c'est 38, j'ai bon. Okay. Je m'en branle si je lui ai troué la gorge, je m'en fous. Donc, bam bam bam, et j'arrête, tombe au sol. L'action est trop rapide pour savoir où, qu'est-ce qui a été touché, quoi, comment. Il tombe à l'arrière. Il tombe pas loin de toi, Ed, et de Francis qui est encore en train d'être encore aux mains. De ton côté, Dwayne, est-ce que tu as eu la possibilité de faire le jet de constitution pour te relever ? Je crois que j'ai posté le résultat, à moins que les lames... Ah, 57. C'est le 54, là ? 54, ouais. Non, okay. J'ai mis que je savais pas ce que c'était. Cette histoire. Ah, ouais, ah, oui, c'est un jet de constitution. Ouais. 54, ok. C'est bon. Donc avec 54, et t'as combien en dextérité, tu m'as dit ? Enfin, en constitution ? De très mauvais, je crois. Je suis dans une mauvaise passe, et j'ai besoin... Constitution, ouais, en effet. Du coup, t'essayes toujours de te relever. En tout cas, t'arrives à t'éloigner un peu en rampant, t'éloigner un peu de Richard qui est au sol. T'essayes de te relever, cependant, la ruade de coups que tu viens de te prendre et le fait que t'es de base une constitution assez basse et une jambe pas incroyable ne te permet pas de te relever là avec toute l'adrénaline et la situation. Pour l'instant, t'es toujours. Toujours au sol, avec la capacité de te mouvoir tout de même à quatre pattes et en rampant et tout ça. Et tu n'arrives pas à te relever immédiatement, tu galères. Du côté de Ed, tu continues à taper. Il faut bien que je le finisse, le jeune homme là. Vous allez finir ça. J'ai quand même encore du mal. Hein. 79 en très bon, j'avoue que c'est compliqué. Aïe, aïe. C'est compliqué pour moi. Ouais, ouais, en effet. Je sais que je peux le finir, mais quelque chose en moi peut-être me c'est retient ça, de, ça, de le faire. Tu continues à donner des coups encore et encore, et t'as du mal à vraiment à faire des coups qui comptent vraiment. Mais tu vois quand même qu'à la durée, à la longueur, à l'accumulation de tous ces coups. Il ne te rend quasiment plus aucun coup. Tu vois qu'il essaie de continuer à lutter, mais il ne te rend plus aucun coup pour sa part. Et au bout d'un moment, il lâche complètement prise. Il arrête de lutter. Il n'est pas inconscient, mais il se laisse. Il est groggy, quoi. Il est groggy. Hein. Voilà, c'est ça. Je l'ai eu à l'usure. du coup, je récupère son arme que je garde avec moi. Donc, j'ai l'arme aussi de Richard qui était aussi de mon côté et je vais et puis c'est terminé, enfin là je pense que je vais regarder Jared, je vais prendre son arme si elle est à côté. Ouais, en effet, du coup ouais, tu vas te diriger du coup vers l'arme de Jared, tu vas la récupérer. Jared qui a été du coup tiré 3 balles dans le torse directement, ouais. Il est déjà en train de se vider complètement, il n'y a pas d'espoir pour lui sans la présence d'un de médecin compétent ici. Peut-être que Ashley, si elle était consciente, pourrait essayer de faire quelque chose. Parce que je rappelle, c'est la médecin du groupe. Dernière année de médecine, hein. Mais c'est malheureusement, il m'a explosé la gueule. Alors, je vais faire quelque chose qui est un peu contre ma nature maintenant. Mais je sais que c'est dans le... l'intérêt du groupe. Étant donné que je le sais, en gros, il est fini, hein, il va mourir de toute façon. Et je ne vais prendre aucun risque avec ça. Je vais le terminer. Je vais faire en sorte de lui transpercer le crâne avec quelque chose. Je ne vais pas tirer un coup de feu parce que je vais garder je le finis dans la tête. Pour être sûr qu'il tourne pas, qu'il devienne pas un rôdeur, okay. un marcheur, hein, ce que tu veux. Très bien. Alors, je vais juste te demander, parce que il faut que je regarde ton inventaire. Ouais. Bah, j'ai ma batte qui était avec moi sur un bord que j'aurais peut-être prise avec moi. Ouais, mais du coup, ouais, si tu veux là, je vais, ça va être à coup de batte du coup, ou avec l'arme à feu. Ouais, bah je vais prendre une batte et je vais essayer de faire ça propre en un seul coup. Ok. Donc là, c'est le moment de faire un petit jet de force, on va voir. Si on peut pas continuer le plaisir. Non, cette fois-ci, une exécution ratée. Cette fois-ci, en gros, là, c'est dans un autre optique. Je fais 16. Ok, donc tu ne te retiens pas, tu pars vraiment dans l'idée de le finir et. D'un grand coup de batte. Pas le faire souffrir en gros, je veux pas le faire souffrir et il meurt instantanément. Tu le termines immédiatement. Il y a un grand bruit quand même, un grand bruit métallique parce qu'il y a son crâne qui est quand même sur le sol du pick-up et tout ça. Ouais. Un grand bruit métallique qui est le dernier grand bruit que tout le monde entend vu que les coups de feu ont été arrêtés. Les militaires sont soit morts, soit gravement blessés. Pour Richard, statue inconnue parce qu'il est juste allongé au sol après s'être pris une balle. Et après ce grand bruit, c'est le moment où vos oreilles se remettent du coup de cette situation, parce que je vous rappelle qu'il y a au moins 4-5 coups qui ont été lancés dans votre espace et directement pas loin de vos oreilles, quoi. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui fait très mal de tirer avec une arme à feu. C'est ça. Et là, vos oreilles se réhabituent à la situation. C'est un peu comme si le coup de Dead Smith avait un peu réparé votre attention au lieu. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond qui allait tout autour de vous. Et ce sont des lamentations, ce sont des râlements, ce sont des grognements. Et vous vous rendez rapidement compte, pour ceux qui sont conscients, que autour de vous, venant du carrefour, mais commençant à entourer le pick-up par l'avant du pick-up, il doit bien se trouver une vingtaine de ces choses. Des marionnettes de chair, certains sans jambes, certains avec seulement un bras, d'autres avec même une demi-tête, un morceau de crâne qui est parti, le cerveau visible, la peau clairement dégoulinante de sang moisi, les poumons à l'air libre pour certains. Les cheveux collés à leur propre peau, des espèces de pustules à certains endroits, comme s'ils étaient entièrement infectés. Et ils sont extrêmement proches de vous. Ok, je saute du pick-up, dans un élan de force, je balance Dwayne à l'intérieur, parce que je pense qu'il a quand même du mal, donc je vais l'aider, je vais le balancer à l'intérieur. Je dis « Dwayne, prends le volant !» Moi je viens devant et les deux en gros ils sont dans le pick-up. Alors je rappelle la situation, Dwayne est vraiment en galère, il n'arrive pas à se lever, donc tu peux le choper et l'amener vers là. Ouais. Mais je rappelle aussi en effet que ce que je viens de vous dire, c'est que les créatures sont déjà autour de l'avant du pick-up, on va dire. Ouais, mais je vais pas laisser Dwayne là. Donc, ouais. Non mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu peux envoyer Dwayne vers l'avant du véhicule pour qu'il puisse conduire, mais pour arriver à la portière du véhicule, il doit passer par ces créatures. Non, moi en fait, pour moi, je le balance dans le pick-up, à l'arrière en fait. Tu sais, je, Je le fais pas conduire, Dwayne. En fait, c'est Dwayne, je le récupère à l'arrière, en fait. C'était quelque chose qui avait été précisé par Dwayne dans les sessions aussi avant, mais aussi dans celle-ci. C'est pas... L'arrière du pick-up n'est pas dans la même pièce que l'avant. Ouais, mais est-ce que c'est ouvert vers l'extérieur, le pick-up? Ouais, il y a pas... L'arrière, oui. L'arrière, oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez conduire, il va falloir passer par la petite fenêtre, là, toute fine... qui est brisé aussi avec des morceaux de verre, etc. Et ben, clairement, c'est pas moi qui vais monter. Donc, il faut quelqu'un de fin. Alors, Alexios, il peut y aller. Alexios est hors du véhicule, lui aussi. Du coup, moi, je rentre du véhicule, dans le véhicule. Par l'arrière. Avec la dernière ligne. Non, je suis sorti par l'avant, moi. Du coup, je rentre très vite et je ferme vite la porte. Les fenêtres sont fermées. Non, je vous l'ai dit. Essaye pas de me gruger, toi, mon gars. Ils sont déjà devant, en fait. Ils sont déjà à l'avant du véhicule. T'es sorti par l'avant, mais t'es pas resté à côté. Hein. Je me suis souvenu que t'as fait des galipettes et tout ça, puis t'es jeté au sol pour éviter des balles. Ok, d'accord. Bah, j'essaie de passer par le truc avec l'adrénaline et je me dis, bon, bah, espérons que, voilà. Je vais prendre des morceaux. Je vais te demander un jet de dextérité. Fais-moi un jet de dextérité. Donc en gros, tu passes par la fenêtre arrière, dans la lunette arrière, en fait. Ouais, 30, c'est ce qui va j'ai bon. Toi, Ed, de ton côté, tu récupères Dwayne. Je vais te demander encore un petit jet de force pour le bonhomme. 64 en très bon. 64 en très bon, d'accord. Ouais. Tu chopes Dwayne. Dwayne, je vais te demander, toi aussi, un jet de constitution pour voir si tu peux quand même essayer en profiter donner pour un te remettre un peu d'aplomb. Si tu peux me donner un coup de main, ce serait bien. 48. Pour, très mauvais. Oh, okay. Ça m'aide un peu. Ok, 48, très mauvais, très bien. Donc du coup, tu essaies de te lever du mieux que tu peux avec le soutien d'Ed qui t'amène vers l'arrière du pick-up et qui te met à l'arrière. Jusqu'au sol. En mode sale, je te fais des grosses éraflures sur la tronche, sur le ventre et tout, c'est tout bouffé par des grosses balafres. Voilà. Quels sont tes résultats, Alexios? 30. 30, t'as combien en dextérité? Bon. Bon, ok. Donc du coup, tu montes à l'arrière du pick-up et t'essayes de passer par la vitre brisée du mieux que tu peux. Tu t'ouvres hein, complètement, ça je vais pas te mentir, tu t'ouvres complètement et tu te fais des sacrées, blessures en sachant que tu t'es déjà pris aussi une balle, donc tes mouvements sont extrêmement douloureux, extrêmement gênés. Je sais où c'est ma balle, où je l'ai prise avant quand même ou pas. Tu veux prendre le temps de vérifier? Non, je m'en bats les couilles, je tourne le truc et je fais bon, on rentre à la maison. Et en même temps, j'écrase. Je m'en fous, j'écrase. Francis. Ouais. Et. On s'en fout, ils vont se faire bouffer donc. Alors, tu peux prendre écraser Francis. Il est sur le côté du pick-up. Alors, soit tu fais un petit détour pour essayer de l'écraser. Mais... Bah, non, Francis, il est toujours à l'intérieur parce que je lui ai mis des tatanes dans le pick-up. Non, oui, je voulais dire Richard. Richard. Richard, oui. Richard. Ouais. Ah ben je le laisse crever alors. Je pars. Pars. En fait, je m'en fous de l'écraser. Okay. Tu pars en marche arrière, c'est ça? Ou en marche avant? Ouais. Oui, marche arrière. Je pars en marche avant, je les écrase. Ouais, mais il y en a arrière, trop devant. Ok, en marche arrière. Putain. Ok, alors je vais te demander du coup un petit jet de... Il faut que j'arrive à me souvenir à chaque fois de ses compétences parce que je les ai jamais en tête. De dextérité, encore une fois. On va voir comment ça se passe avec ça. Bon, j'ai fait 70. Ah. Il est bon. Ok. Et il cale. Eh merde. Tu te mets à l'avant, tu te mets directement, tu tournes les clés du pick-up à l'intérieur. Tu fais du mieux que tu peux pour te mettre en place et commencer à lancer le moteur et partir en marche arrière. Bien entendu, pendant ce temps, les créatures ne sont pas restées immobiles, elles ont continué à s'étendre un peu sur les côtés du pick-up. Et certains s'éloignent quand même du pick-up et se jettent directement sur Richard qui est au sol, qui était immobile. Vous savez pas encore s'il était vivant encore ou pas. Ouais. Je pense que vous ne prenez pas spécialement le temps de vérifier. et tu pars en marche arrière du mieux que tu peux. Il y a des moments où tu te soulèves un peu, a priori. Il y en a certains qui se sont pris déjà dans le, de ces créatures qui sont pris dans le mécanisme des roues. Tu recules du mieux que tu peux. Est-ce que je peux balancer Jared devant eux? Genre comme si en mode je balance de la viande fraîche. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de force. Si tu pars avec eux. 4. 4? Ouais. Ok. Très bien, 4. Ok, qui te met très bien. Mais du coup, tu prends Jared et tu le fais passer par-dessus bord. Ouais. Tu le fais tomber au sol. Certains d'entre eux se jettent dessus, ce qui gêne beaucoup moins le véhicule pour bouger. D'accord. Et vous reculez. Et vous partez en marche arrière direct là, sur une bonne distance, en marche arrière totale. Mm-hmm. Jusqu'au moment où vous pensez avoir pris assez de distance pour pouvoir faire un demi-tour et partir à toute vitesse du mieux que vous pouvez. Et vous êtes là un peu hagard, Ashley, tu commences peut-être un peu à revenir à toi en entendant avec le vent qui te ramène un peu à toi avec la vitesse à laquelle vous roulez. Et vous êtes là un peu groggy, surtout Dwayne qui s'est pris quelques coups. Ed, toi, t'as surtout les mains un peu qui sont quand même bien abîmées. Ouais. Tout le monde va bien? Écoute, non. C'est plutôt à toi que je dois poser la question. Je vois plus rien. Mais je crois que ça commence à revenir vaguement. Bah, reste assise. On retourne au market. Les gars, vous pensez... Vous pensez... qu'il y a des bandages qu'on va arriver là-bas, parce que je pense que je vais en avoir besoin. Mais t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Si tu veux que je conduise, si t'es pas en état, qu'on peut s'arrêter, laisse-moi le volant. Non, je vais conduire jusqu'au bout et... Putain, le mec en sang et tout, ça pisse de partout. Non, Mais c'est l'adrénaline, hein. Des fois avec l'adrénaline, le temps... Non, c'est sûr. Et vous continuez à rouler, et vous continuez. Il y a des moments où dans la panique, surtout le fait que toi, Alexios, c'était pas celui qui conduisait, donc t'as pas forcément le souvenir pratique de par où vous passez. Il y a ces moments où tu t'arrêtes devant une rue bouchée et tu... Et ce moment où tu t'énerves un peu sur ton volant, putain, en sentant que l'adrénaline commence à partir et tu commences à sentir de plus en plus ta douleur. Et tu refais demi-tour et tu repasses par des chemins encore et encore. Et vous arrivez assez difficilement, il faut l'avouer, jusqu'au Casio Market. Vous arrivez dans le parking qui est en face du Casio Market, dans lequel des véhicules ont été posés pour faire un peu barrière, comme habituellement, quoi. Mmh. Vous descendez du véhicule en prenant du mieux que vous pouvez Alexios, Dwayne... Enfin, du coup, Ed, tu fais du mieux que tu peux pour déplacer Alexios, Dwayne, et un peu Ashley aussi, même si elle revient à elle, mais elle est comme... Ça, le visage. Voilà. Ashley qui a quand même le visage en sang, hein. Elle a clairement le nez cassé, clairement du sang qui coule, et s'il y a plus que ça, on verra plus tard. Ouais. Et du coup, tu fais du mieux pour déplacer ces gens-là. Et il y a Francis aussi. Et Francis, est-ce que tu veux ramener immédiatement Francis? Alors, je vais déjà attacher Francis avec les mains dans le dos et tout, pour être sûr qu'il fasse pas de conneries. Les armes, tout ça, on va les emmener avec nous. En gros, enfin là, clairement, qui a besoin d'aide, s'il faut porter ou pas? Est-ce que Dwayne, tu peux te déplacer tout seul ou il faut qu'on te porte? Ouais. En tout cas, ouais. Celui qui est clairement le plus dans le besoin maintenant, c'est Alexios, maintenant que l'adrénaline est tombée. D'accord. Là, il fait le moindre mouvement et il se plie de douleur, quoi, directement. Regarde, je me suis fait tirer dessus, je regarde avec... là où il y a donne... Ouais. Mais tu regardes et toi, joueur, tu connais bien cet endroit parce que c'est le même endroit que dans la dernière fois qu'on a joué à The Walking Dead. C'est-à-dire que c'est dans le bide, sur le côté droit du bide, c'est-à-dire là où il devrait avoir un peu les intestins et tout ça. Il y a la rate. Si la rate est touchée, je suis foutu, je meurs. Je meurs dans les heures qui suivent. Du coup, je donne une arme à Dwayne en lui disant qu'il faut qu'il braque Francis gentiment, histoire de... Voilà. Francis, j'imagine que tu vas être un peu KO quand même. Et pendant ce temps-là, bah, je vais porter Alexios jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à l'intérieur de la truc. Ok, du coup, tu rentres à l'intérieur. Ashley, toi aussi, tu suis vers l'intérieur ou tu restes avec Dwayne et... Je pense que je rentre à l'intérieur aussi parce que c'est moi la médecin du groupe, donc c'est sur moi qu'on va compter, je pense. Ok. Je vois rien, mais je vais te soigner. C'est ça. Oh non. Mais il n'y a pas une infirmière avec nous? Il n'y a pas une infirmière en plus? Il y a une urgentiste en plus. Ouais, quelqu'un qui sert d'associé dans l'urgence. Ouais, voilà, donc je lui amène Alexios à demoiselle. Mm-hmm. Ok. Très bien, mais du coup, vous rentrez tous les trois à l'intérieur, avec Dwayne pour l'instant qui reste à l'extérieur, avec Francis. Vous rentrez à l'intérieur, tu vois qu'il y a directement des regards inquiets qui se tournent vers vous, même des regards clairement paniqués, ouais. Hein, de vous voir rentrer dans cet état. Du coup, vous avez Misha. Même déjà... Misha, j'ai besoin de toi, Misha. Il faut s'occuper d'Alexios s'il est blessé. Tu vois, Misha se lève directement de ce qu'elle était en train de faire et elle se jette directement sur Alexios et elle fait « Allonge-le ici, allonge-le là oh, !» Tiens. Et elle va chercher un peu dans ce que vous aviez récupéré vous-même à votre dernière expédition, voir ce qu'elle peut trouver, des équipements. Sûrement que la trousse de soins qu'avait trouvé Dwayne va sûrement être d'une certaine utilité. Mm-hmm. Et elle va te mettre au boulot. Va se mettre au boulot. De bon côté. Je dis, Cachille l'a vu à l'enfant. Très bien. Il est déjà dans l'idée de mourir. Mais c'est pas l'idée de mourir. C'est que là où tu me dis, moi en tant que secouriste dans la vraie vie, je me dis, c'est foutu. Sauf s'il y a vraiment un bon secours qui est porté. Oh, ça se trouve, ça a éraflé, t'inquiète. De ton côté, Ashley, est-ce que tu te mêles à l'effort pour sauver Alexios ou est-ce que tu considères que t'es trop mal? Si je reviens un petit peu à moi et je dis qu'en effet, si je peux être d'une quelconque utilité, il faut pas hésiter. Maintenant, en effet, il va pas falloir me demander de retirer la balle ou quoi que ce soit. J'ai encore la tête qui tourne, je me sens pas très bien, mais à la limite, je peux aider par exemple à essayer de mettre en place un espace sain et propice à une potentielle opération. En tout cas, ce que je veux dire, l'idée c'est que si jamais on l'allonge sur un truc avec des clous rouillés ou autre et qu'il meurt d'une infection dans deux semaines, on ne sera pas servi à grand chose de le sauver dès maintenant. En effet. On va dire que je fais des choses utiles, je vais aider à désinfecter votre, mais je vais pas du tout toucher à tout ça. Ouais, tu portes assistance et tu donnes les conseils à quoi faire en fonction de ce qu'il y a à faire. Quoi. Ça, c'est, j'ai pas du tout le cran nécessaire pour, vu mes blessures, m'occuper d'une opération grave. Ok. Donc du coup, en effet, Misha s'en occupe principalement avec ton aide un peu Ashley, enfin Driver du coup. Ouais. Ouais, te demande juste un moment de lui passer telle ou telle chose ou quoi que ce soit, de ce qu'il faut de redresser un peu Alexios, de le mettre dans le bon sens et tout ça. Toi, Ed, aussi, t'es mis à disposition hein, parce que Misha te dit clairement je vais avoir besoin de toi pour le garder immobile. Ok. Bah et je vais demander à toi, Ed, du coup, un jet de force. À toi, Alexios, un jet de constitution et Driver, si tu veux aider un minimum, un petit jet de, ouais. De connaissances, enfin non plus dextérité, parce que c'est pas toi qui fais les soins directement. Alors, de dextérité. 43. 65 en très bon. Ouais. Pendant ce temps, vous êtes vraiment pas dans un environnement très reposant parce que vous avez tout le monde qui vous regarde de manière inquiète, il y en a certains qui. Qui vous posent directement des questions, qui sont incapables d'attendre que vous vous occupez de ça. Il y en a certains qui sont déjà en mode « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a tiré sur qui ? Où est Dwayne ? Qui a fait ça, Alexios ?» C'est les militaires, ils s'en sont pris à nous sur le trajet. Vous avez bien entendu, à ça, vous avez les plays qui réagissent immédiatement, qui sont déjà « Quelle bande d'enfoirés ! Je savais qu'ils allaient commencer à nous buter !» Et après, je dis volontairement, en tout en maintenant, c'est Jared et Richard. C'est Jared et Richard. Francis, il y est pour rien. Tu vois qu'a priori, dans l'urgence, aucun fait la connexion avec le fait que peut-être que Francis aussi a été ramené. Personne ne fait la connexion, ils sont trop dans l'urgence. mais on est dans du mal. Alors, vos résultats, donc on a du 43 bon pour Driver, on a du... Ed, t'avais dit Moi, j'avais fait 65. Ok, 65. Et Alexios, du 30 moyen. Ok. Du coup, bah, Misha fait du mieux qu'elle peut avec votre aide, Ed et Ashley, enfin, et Driver. Tandis que toi, Alexios, bah, tu fais de ton mieux pour pas fermer les yeux et partir dans un autre monde. Tu fais du mieux pour rester conscient. Heureusement, la douleur qu'il y a avec Misha qui commence déjà à fouiller dans tes entrailles t'aide à rester conscient pour le moment. D'ailleurs, heureusement que Ed est là, parce que sinon tu te serais déjà tellement replié que tu serais en boule. En fait, moi je pense à dire, dans ma tête, je me dis, il faut que je sois là pour éduquer la gamine, il faut que je sois là pour éduquer la gamine. Et pour la défendre. Parce qu'il va me permettre de tenir. Très, il y a de la concurrence, il y a de la concurrence pour s'occuper des gamins ici. Il va te laisser mourir, ne le dis pas au doigt. Il y a Ed qui te regarde sombrement et qui commence à enfoncer la main dans la plaie pour retirer les ordres. C'est dégueulasse. Je lui dis bien sûr dans ma tête, je me dis il faut que je sois là pour mes amis. Non mais de toute façon ouais, tu dirais ça, ça me dérangerait pas. Il lui susurre à l'oreille, elle est à moi. C'est le frelon. Quelle horreur. Avec un morceau de bave là, avec de la bave ici. Quelle horreur. Attention, on diverge là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, vous vous consumez dans l'urgence du mieux que vous pouvez. Je vous le dis clairement, vous n'allez pas pouvoir connaître les résultats de l'opération tout de suite. Hein, ça va être très long. Mmh. Ça va être très compliqué. Et vous êtes loin d'avoir sorti tout ce qu'il faut de son corps. Je peux peut-être aller chercher à la réserve, vu que je connais bien la réserve, de tout ce dont on pourrait avoir besoin. Ouais. Quelqu'un passe, je sais pas combien de temps, à chercher parmi les ouais. quêtes, les trucs comme ouais. ça. Bah, ouais. Fais-moi un petit jet de connaissances pour aller chercher ce qu'il faut. Et puis pour les coups, je connais les fermées, cette réserve, donc je peux... 7 okay. Et je suis... Connaissances... De ton côté, Dwayne, qu'est-ce que tu fais en ce moment, vu que tu es à l'extérieur avec Francis? Eh ben, je sais pas trop. J'ai envie de dire que je décuve un peu, parce que, enfin, c'est un peu foré. Je respire, et puis, comment dire, j'essaie de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Mmh. D'accord, du coup, t'es en train d'essayer de te concentrer, tu essaies de voir ouais, qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui m'est arrivé. T'as le visage bien, quand même pas mal tuméfié, hein, tu t'es pris quelques coups de la part de Richard. Et t'es avec ton arme à la main, normalement censé surveiller du coup Francis. Et tu commences à voir Francis qui commence à se mouvoir. Il est allongé, mais il commence à reprendre un peu vie. Bon, il a les mains attachées, hein. Il est attaché, ouais. hein. Je sais pas si tu fais quelque chose de plus du coup par rapport à ça, Dwayne, ou si je suis te content juste de le pointer avec ton arme. Ouais. Ok, très bien. Du coup, tu le pointes avec ton arme. Tu vois que, a priori, il est un peu dans le même état que toi, hein, parce qu'il se rend même pas compte directement que t'es là et que tu le pointes. Il est vraiment en mode où est-ce que je suis, qu'est-ce qui s'est passé.